Marie d'Agreda, la cité mystique de Dieu, la fuite en Égypte. Chapitre 27. Hérode ordonne de faire mourir les innocents, l'auguste Marie en a connaissance, et le petit Baptiste est mis à couvert de sa fureur. Laissons maintenant l'enfant Jésus, sa très pure mère et Saint Joseph en Égypte, sanctifiant ce royaume par leur présence et par leurs bienfaits, que la Judée ne méritait pas, et voyons où aboutir l'astuce et l'hypocrisie diabolique d'Hérode. Cet inique roi attendait le retour des mages, et le récit qu'il lui ferait d'avoir trouvé et adoré le nouveau roi des Juifs qui venait de naître, pour le faire ensuite mourir d'une manière inhumaine. Mais il fut bien trompé quand il apprit que les mages avaient été à Bethléem, s'était entretenu avec l'auguste Marie et son saint époux Joseph, et qu'ayant pris un autre chemin, ils étaient déjà hors de la Palestine, car il fut informé de tout cela aussi bien que d'une partie de ce qui s'était passé dans le temple, et, s'aveuglant lui-même par sa propre politique, il attendit quelques jours, jusqu'à ce que le retard des rois lui parût suspect. Et alors le souci que son ambition lui causait l'obligea à demander de leurs nouvelles. Il consulta de nouveau quelques docteurs de la loi, et comme ils s'accordaient en ce qu'ils disaient de Bethléem, d'après les Écritures et d'après ce qui y était arrivé, il commanda de chercher avec beaucoup de diligence notre reine, son très doux enfant et Saint Joseph. Mais le Seigneur, qui leur avait ordonné de sortir de nuit de Jérusalem, cacha par conséquent leur voyage, afin que personne ne le sût, ni pût remarquer la moindre trace de leur fuite. Ainsi les ministres d'Hérode et les autres, n'ayant pu les découvrir, lui dirent que ni cet homme, ni cette femme, ni l'enfant, ne paraissaient dans tout le pays. Cette réponse augmenta la fureur d'Hérode, sans qu'il pût prendre un moment de repos, ni trouver aucun moyen de prévenir le dommage qu'il craignait de la venue du nouveau roi, Matthieu 2, 16, mais le démon, qui le vit disposé à commettre tous les attentats, lui inspira un expédient funeste pour le consoler, en lui proposant d'user de son pouvoir absolu, et de faire égorger tous les enfants de cette contrée âgés de moins de 2 ans, et en lui faisant entendre qu'il ne serait pas possible que le roi des Juifs nouvellement né ne se rencontrât parmi eux. Le tyran se réjouit d'avoir trouvé cet expédient, qui n'entra jamais dans l'esprit d'aucun autre barbare, de sorte qu'il l'embrassa sans éprouver ni la crainte ni l'horreur qu'une mesure si cruelle eût pu causer en quelque homme raisonnable que ce fût. Et voulant exécuter ce méchant dessein pour satisfaire sa rage, il fit assembler quelques troupes de milices sous la conduite des ministres qui avaient le plus de part à sa confiance, et il leur commanda, sous peine d'encourir sa disgrâce, d'égorger tous les enfants qui seraient au-dessous de 2 ans, dans Bethléem et dans tous les alentours. Ces ordres furent ponctuellement suivis, de sorte que tout le pays fut rempli de confusion, de cris et de larmes des pères, des mères et des parents des innocents condamnés à la mort, sans que personne pût les y soustraire. Hérode donna cet ordre impie 6 mois après la naissance de notre Rédempteur. Au moment où ses satellites commencèrent à l'exécuter, notre grande reine tenait son très saint fils entre les bras, et regardant son âme et ses opérations, elle y vit tout ce qui se passait à Bethléem, comme dans un très clair miroir, et plus distinctement que si elle eût entendu les cris des enfants et de leurs parents. Cette divine dame vit aussi que son adorable fils invoquait le Père éternel pour les pères et les mères des innocents, qui lui offrait les petits martyrs comme les prémices de sa mort, Apocalypse 14, 4, et qu'il le priait de leur donner l'usage de la raison, comme étant sacrifiés pour la cause du même Rédempteur lui-même, afin qu'ils offrissent volontairement leur vie, et reçussent la mort pour la gloire de ce même Seigneur, qui leur réservait les couronnes du martyr en récompense de ce qu'ils souffraient. Le Père éternel accorda cette demande, et notre auguste reine connut le tout en son très saint Fils, et l'imita dans l'offrande et dans les prières qu'il faisait. Elle se joignit aussi au Père et aux Mères des petits martyrs dans la douleur et la compassion qu'ils avaient, et dans les larmes qu'ils versaient pour la mort de leurs enfants. De sorte qu'elle fut la véritable et la première Rachel, qui pleura les enfants de Bethléem, Jérémie 31:15, qu'elle regardait comme sien, et il n'y eut aucune autre mère qui pût les pleurer autant qu'elle, parce qu'elle les surpassait toutes en tendresse. La Sainte Vierge ne savait pas alors ce que Sainte Élisabeth avait fait pour sauver son fils Baptiste, selon la vie qu'elle lui avait donnée par l'ange quand ils sortirent de Jérusalem pour aller en Égypte, comme je l'ai dit au chapitre 22. Et quoiqu'elle ne douta point que tous les mystères qu'elle avait appris par la lumière divine être rattachés à l'office du précurseur, ne fussent accomplis en ce bienheureux enfant. Néanmoins elle ignorait les peines dans lesquelles la cruauté d'Hérode avait mis sa cousine Élisabeth et le petit Baptiste, aussi bien que les moyens qu'ils avaient pris pour l'éviter. La douce mère n'osa pas prier son très saint fils de lui en donner la connaissance, à cause du respect qu'elle lui portait et de la prudence qu'elle observait dans ses révélations, de sorte qu'elle se renfermait dans une humilité et dans une patience admirable. Mais sa majesté répondit à son tendre désir, en lui déclarant que Zacharie, père de Saint Jean, était mort 4 mois après la naissance de Jésus-Christ, et environ 3 mois après qu'ils furent sortis de Jérusalem, que Sainte Élisabeth, qui était alors veuve, n'avait point d'autre compagnie que celle de son fils, qu'elle passait sa solitude et son affliction retirée avec lui dans un lieu écarté, parce que, sur la vie qu'elle avait reçue de l'ange, et à la vue ensuite de la cruauté qu'Hérode commençait à exercer, elle s'était résolue à fuir dans le désert avec le petit précurseur, et à habiter parmi les bêtes fauves, pour éviter la persécution d'Hérode, que la sainte veuve avait pris cette résolution par l'impulsion et le bon plaisir du Très-Haut, et qu'elle était cachée au fond d'une grotte, où elle vivait avec son fils dans les peines, dans les afflictions et dans les incommodités. Notre divine dame connut aussi que sainte Élisabeth mourait dans le Seigneur 3 ans après cette vie solitaire, que le petit Baptiste demeurerait dans ce désert, où il mènerait une vie angélique, et qu'il n'en sortirait point, jusqu'à ce que le Très-Haut lui ordonna d'aller prêcher la pénitence, comme son précurseur. L'enfant Jésus découvrit à sa très sainte mère tous ses mystères, et d'autres secrètes et sublimes faveurs que sainte Élisabeth et son fils reçurent dans cette solitude. Elle connut tout cela de la même manière qu'elle avait appris la mort des innocents. Notre auguste princesse fut remplie de joie et de compassion par cette connaissance de joie, parce que Saint Jean et sa mère étaient en lieu de sûreté, et de compassion, à cause des peines qu'il souffrait dans ce désert. Ensuite elle demanda la permission à son très saint fils de prendre soin de sa cousine et de son enfant, et dès lors, avec l'agrément du même Seigneur, elle les faisait souvent visiter par les anges qui la servaient, et par leur ministère elle leur envoyait quelque nourriture, qui fut le plus grand régal qu'ils eurent dans leur solitude. De sorte que sans sortir de l'Égypte, notre grande dame eut par l'intermédiaire des anges une continuelle et secrète correspondance avec l'enfant et la mère. Lorsque sainte Élisabeth fut proche de l'heure de sa mort, elle lui envoya un grand nombre de ses anges, afin qu'il l'assistasse conjointement avec le petit Baptiste, qui avait alors 4 ans, et quand sa mère fut morte, à l'aide de ces mêmes anges, il l'enterra dans ce désert. Et depuis ce temps-là, notre charitable reine procura le nécessaire à Saint Jean, jusqu'à ce qu'il fût en âge de chercher lui-même les herbes, les racines et le miel sauvage, dont il se nourrit ensuite avec une abstinence admirable, Marc 1, 6, comme je le marquerai en son lieu. On ne saurait concevoir les mérites ni les accroissements de sainteté et de grâce que la très pure Marie acquérait parmi toutes ces œuvres si merveilleuses, parce qu'elle profitait de tout avec une prudence plus qu'angélique, et ce qui lui causa beaucoup d'admiration et de tendresse, et lui donna en même temps un nouveau sujet de louer le Tout-Puissant, lorsque son très saint fils et elle invoquèrent le Père éternel pour les innocents. Ce fut de voir combien sa divine providence usa de libéralité à leur égard. Car elle connut comme si elle eût été présente le grand nombre des enfants qui furent égorgés, elle sut que les plus âgés ne passaient pas 2 ans, que les uns n'avaient que 8 jours, d'autres 2 mois, et les autres 6, et qu'ils reçurent tous plus ou moins l'usage de la raison, et une connaissance très sublime de l'être de Dieu, qui leur accorda aussi une charité, une foi et une espérance parfaite, de sorte qu'ils exercèrent des actes héroïques de foi, d'adoration, de respect, d'amour de Dieu et de compassion pour leurs parents. Ils prièrent pour eux, et demandèrent au Seigneur de leur donner en récompense de leur affliction la lumière et la grâce, afin qu'ils acquissent par leurs moyens les biens éternels. Ils subissaient volontairement le martyre, et comme ils étaient dans un âge si tendre, la douleur leur était plus sensible, et par conséquent leur mérite plus grand. Ils étaient assistés par une multitude d'anges, qui les portaient dans les limbeaux au sein d'Abraham. Et ils réjouirent les saints patriarches par leur présence, parce qu'ils les confirmèrent dans l'espérance qu'ils avaient de recouvrer bientôt leur liberté. Tout cela fut un effet des demandes de l'enfant Dieu, et des prières de sa très sainte mère. Par la connaissance de ces merveilles, notre auguste princesse s'enflammait d'amour, et elle dit dans ses transports, « Laudate, pueri, dominum, loué, enfant, le Seigneur, Psaume 112, 1, et accompagnant par ses louanges celles de ses bienheureux enfants, elle loua l'auteur de toutes ses œuvres si magnifiques, si dignes de sa bonté et de sa toute-puissance. Elle seule les appréciait, elle les traitait avec la sagesse et avec l'estime qu'elle réclamait, mais elle était aussi la seule qui, étant par exception si proche de Dieu, connut le prix de l'humilité, et qui la pratiqua dans toute sa perfection, car étant la mère de la pureté, de l'innocence et de la sainteté, elle s'humilia plus que toutes les créatures abîmées dans le néant de leur propre péché. La seule Marie entre toutes les créatures arriva à ce degré d'humilité, quoiqu'elle se vit enrichie de plus de faveurs et de dons plus sublimes que toutes ensemble l'aient jamais reçues. Parce qu'elle seule comprit suffisamment que la créature ne saurait rendre un retour qui soit proportionné au bienfait qu'elle reçoit, et encore moins à l'amour infini d'où il naît son Dieu, Psaume 115, 2. Et notre divine dame, s'humiliant par cette science, mesurait par elle son amour, sa reconnaissance et son humilité, et donnait la plénitude à toute chose, autant qu'une simple créature était capable de donner le digne retour, par la seule connaissance qu'elle avait, qu'aucune d'entre elles pût se rendre digne de ses bienfaits par un autre moyen que l'humilité. Je veux avertir à la fin de ce chapitre que je remarque en plusieurs choses que j'écris qu'il y a une grande diversité d'opinions entre les saints pères et plusieurs auteurs, par exemple, Quant à l'époque à laquelle ils disent qu'Hérode exerça sa fureur sur les innocents, et si ce fut sur les enfants qui ne faisaient que de naître, ou sur ceux qui avaient quelques jours et qui ne passaient pas 2 ans, et par rapport à d'autres points douteux, dont je ne dois pas donner ici l'éclaircissement, parce que cela n'est pas nécessaire à mon dessein, et que je n'écris que ce qui m'est enseigné et dicté, ou ce que l'on m'ordonne quelquefois par obéissance de demander, pour donner plus de liaison à cette divine histoire. Il ne fallait pas d'ailleurs que j'introduisisse aucune dispute dans les choses que j'écris, parce que dès le commencement, comme je l'ai marqué, le Seigneur me déclara qu'il voulait que j'écrivisse tout cet ouvrage, non avec des opinions préconçues, mais avec la vérité que la divine lumière m'enseignerait. Que s'il y a lieu d'examiner si ce que j'écris est conforme au récit de l'Écriture, et si les choses ont un rapport convenable entre elles, je remets tout cela au jugement de mes supérieurs, et des personnes sages et pieuses. Cette diversité d'opinions est presque inévitable entre ceux qui écrivent, les uns s'attachant à un auteur, les autres à un autre, et chacun suivant son inclination. Ainsi la plupart des écrits, excepté les histoires canoniques, sont fondés sur des conjectures, ou sur des auteurs douteux, et je ne pouvais pas suivre cet ordre dans cet ouvrage, parce que je suis une femme ignorante. Instruction que je reçus de la très sainte Vierge. Ma fille, je veux que la douleur avec laquelle vous avez écrit ce chapitre, et le funeste exemple que vous y avez découvert, vous servent d'instruction. La douleur vous montrera qu'une créature noble, et créée par la main du Seigneur à son image et à sa ressemblance, avec des qualités si excellentes et si divines, que de pouvoir connaître Dieu, l'aimer, le voir et en jouir éternellement, Sagesse 2, 23, oublie si fort sa dignité, et se laisse avilir et vaincre d'une manière si brutale et si horrible par la violence de ses appétits, que de verser le sang innocent de ceux qui ne pouvaient faire tort à personne. Cette compassion doit vous exciter à pleurer la perte de tant d'âmes, et surtout dans le siècle où vous êtes, quand cette même ambition qui aveuglait Hérode a allumé des inimitiés si cruelles entre les enfants de l'Église, qu'elle est cause du malheur éternel d'un nombre presque infini d'âmes, et que le sang de mon très saint Fils, qui a été versé pour leur rédemption, se perd, Éphésiens 1, 7. Pleurez amèrement ce malheur et cette perte, mais profitez du malheur des autres, et considérez quel ravage peut faire une passion aveugle, qui s'insinue dans l'appétit concupiscible, car si elle se rend maîtresse du cœur de l'homme, elle l'enflamme ou du feu de la convoitise s'il réalise son désir, ou de celui de la colère s'il y trouve quelque résistance. Craignez, ma fille, ce danger, non seulement à la vue de ce que l'ambition suggéra à Hérode, mais aussi au souvenir de ce que vous remarquez ou apprenez tous les jours dans l'histoire d'autres personnes. Prenez bien garde d'attacher votre affection à aucune chose, pour petite qu'elle vous paraisse, car il ne faut qu'une étincelle pour allumer quelquefois un grand incendie. Je vous redis souvent les mêmes choses touchant cette mortification de vos inclinations, et je ne cesserai de vous les répéter, parce que la plus grande difficulté qu'on rencontre en la pratique de la vertu, c'est de mourir entièrement à tout ce qui est délectable et sensible, et parce que vous ne pouvez pas devenir un instrument au gré du Seigneur, si vous n'effacez de vos puissances jusqu'aux espèces ou images de toutes les créatures, afin qu'elles ne trouvent aucune entrée dans votre volonté. Que ce soit pour vous une loi inviolable de regarder tout ce qui est, comme n'étant pas, excepté Dieu, ses anges et ses saints, tendez constamment à cette abstraction, C'est pour cela que le Seigneur vous découvre ses secrets. C'est à cela qu'il vous oblige par ses communications intimes, et moi par les miennes, afin que vous soyez toujours avec sa divine majesté, et que vous ne désiriez autre chose que lui. Extrait du livre 4e, tome 3, Pusielge Rusan 1857, markemdanarchive.org 2023, d'après Books Google FR et Archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.